C'était le beau temps où j'avais ma vertu. Tu l'as eu aussi, t'en souviens-tu? Et je savais bien que viendrait le moment de choisir un époux, un amant. S'il avait de l'argent, s'il était charmant, même en semaine, si son col était blanc, et si par veine il m'offrait son cœur et son nom, moi, je lui dirais non. Il ne faut jamais baisser les yeux, la différence vaut mieux. Bien que la lune brille en les cieux et que le bateau dorme sur les flots bleus, mon cœur est silencieux. Il vaut mieux, bien mieux, ne pas livrer son cœur et ne montrer que calme et froideur. Faire attendre, cela n'est pas bon. Je réponds tout de suite non. Un homme du Kent est venu le premier et c'était un gentil cavalier. Le deuxième était aussi riche qu'un roi. Le troisième était fou d'amour pour moi. Ils avaient de l'argent, ils étaient charmants. Même en semaine, leurs faux cols étaient blancs. Très galamment, ils m'ont offert leur cœur et leur nom. Moi, je leur ai dit non. Il ne faut jamais baisser les yeux, l'indifférence vaut mieux. Bien que la lune brille en les cieux et que le bateau dorme sur les flots bleus, mon cœur est silencieux. Il vaut mieux, bien mieux, ne pas livrer son cœur et ne montrer que calme et froideur. Faire attendre, cela n'est pas bon. Je réponds tout de suite non. Alors, un beau jour où le ciel était clair, vint celui qui ne m'a rien offert. Sans me saluer dans ma chambre, il entra sur mon lit, son chapeau il jeta. Il n'avait pas d'argent, il n'était pas charmant. Même le dimanche, son col n'était pas blanc. Il n'a pu m'offrir qu'avec lui de souffrir. Mais je n'ai pas dit non. Devant lui, j'ai dû baisser les yeux. C'est lui qui m'a plu le mieux. La lune scintillait dans les cieux et le grand bateau vaguait sur les flots bleus. Mon cœur n'était plus silencieux. Je n'avais plus qu'à lui livrer tout mon cœur. Pour l'amour, il n'est pas de raison. Et le jour où passe le bonheur, on ne saurait pas dire non.